C'est l'action de grâce aujourd'hui, on dit? Ça veut dire quoi, ça, action de grâce? Pas tout en même temps. En avant, j'ai tout ça en un égout, moi, là. Remercier Dieu, hein? L'action de grâce. Rendre un culte agréable à Dieu, hein? D'une certaine manière. Vous allez voir, ça touche ça. J'avais pensé à l'action de grâce. Moi, rien préparé en fonction de l'action de grâce, là. Ce matin, vous allez le voir, on est dans la conclusion de l'Épître aux Hébreux. Et comme tout auteur, Dieu, quand il nous écrit, il veut qu'on se souvienne de quelque chose de cette Épître-là. Il ne veut pas que ça passe dans nos vies juste comme, bon, c'est bien, d'ailleurs, ça nous a entretenus pendant quelques mois, mais après ça, on oublie. C'est que on va revenir un petit peu sur les sujets qui ont été vus dans l'Épître. Sans trop s'y attarder. Vous allez voir, on ne pourra pas le faire. Mais en même temps, en insistant davantage sur le message que Dieu veut qu'on retienne. Il veut que ça imprègne nos têtes. Ça va? Et, je ne m'en suis pas trop rendu compte, vous allez voir que ça touche l'action de grâce. Vous n'avez pas eu de feuille? Il va falloir que j'en fasse des copies après, mais pour l'instant, suivez avec vos voisins le plus possible. Malheureusement, je ne savais pas le nombre que je pouvais. Ah. Ouais. Regardez là. Je m'excuse, j'aurais dû. On a fait ça, on a improvisé ce matin avant de commencer. Vous allez prier. Pouvez-vous prier avec moi? Père éternel, ce matin, on ouvre ensemble ta parole, comme on fait, comme tu nous as habitués à faire. Et c'est ta parole, c'est pas la nôtre. C'est la vérité. Et nous, Seigneur, ce qu'on veut, c'est la comprendre et la serrer dans nos cœurs. Seigneur, je n'ai pas le monopole de la vérité. Au contraire. Fait que ne me laisse pas errer ni à droite ni à gauche de ta vérité, de ta parole. Et sois, Seigneur, que tout ce qu'on fasse ce matin, on appelle ta bénédiction là-dessus. Parce que ce n'est pas par nos efforts qu'on peut atteindre Dieu, c'est toi qui viens vers nous et révèle-toi à nous encore de manière encore plus complète à travers cette conclusion du livre de l'Épître aux Hébreux. Bénis-nous, Seigneur, on attend ta bénédiction. Amen. Ne vous laissez pas entraîner, Hébreux 13, 9 à 16, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit fermé par la grâce, et non par les aliments qui ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et c'est difficile de dire que c'est la conclusion de l'Épître, là, à la première lecture, mais à travers ce que le Seigneur m'a montré, ça devient une évidence. Le Seigneur marque un coup ici et il le place en dernier. Vous savez, il y a d'autres versets qui viennent après dans l'Épître, là, mais c'est vraiment le point, le punch final que le Seigneur veut qu'on tienne. Et j'espère, pour vous convaincre, mais que la parole de Dieu va vous convaincre ce matin là-dessus. Ça va? Ça fait que, pourquoi on dit que c'est la conclusion de l'Épître? C'est le même verset, c'est le même passage, je trouve que je commence au verset 10 au lieu du verset 9, là. C'est que l'exhortation finale est axée sur des sacrifices qui plaisent à Dieu. Pourquoi on est rassemblés ici? Pour plaire à Dieu. Est-ce qu'il y en a un qui vient ici pour rendre un culte qui déplaît à Dieu? Par ça? Donc, on veut plaire à Dieu. Ce serait intéressant de savoir ce qui plaît à Dieu. Vous êtes d'accord? Fait que c'est important qu'on s'attache à ça. Ici, ça parle beaucoup de sacrifices. Ça parle des sacrifices de l'Ancien Testament. Hein? Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Vous voyez ça? Puis, au verset 15, hein, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu quoi? » À l'exemple des sacrifices de l'Ancien Testament, offrons un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vous êtes d'accord? Maintenant, derrière ces versets-là, c'est tout le contenu de l'Épître qui est là. L'aspect de faire plaisir à Dieu dans l'Épître a commencé bien avant la conclusion. Verset 12-28, déjà le thème du culte agréable a été introduit. C'est des passages qu'on a déjà vus, hein. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant un culte à Dieu qui lui soit agréable. Voyez-vous l'aspect d'être agréable à Dieu? C'est inclus, là, dans quelque chose. Puis là, ici, ça parle de montrer notre reconnaissance. On va revenir sur ce passage-là, mais à la fin, vers la conclusion. OK? Je vais le décortiquer un peu plus. Mais je veux juste vous montrer au départ qu'on est appelé à rendre un culte agréable à Dieu. Quand vous allez avoir ceux qui n'ont pas les acétates, c'est sûr, vous avez peut-être de la misère à suivre, mais ceux qui ont les acétates, vous les avez tous, là. Vous pouvez mettre vos propres notes là-dessus. En fait, ce qui fait vraiment plaisir à l'âme de Dieu, c'est un juste qui vit par la foi. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Hébreux 10, 36 à 39, hein. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas. Donc, le juste qui vit par la foi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'inverse de ça, de celui qui se retire. Vous êtes compris? C'est clair? Donc, le thème du plaisir qu'on rend à Dieu, qu'on fait plaisir à Dieu, est abordé dans l'Épître bien avant la conclusion. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, vous allez, je vais peut-être vous déclarer des choses nouvelles, mais on n'a peut-être pas insisté là-dessus beaucoup quand on a fait l'étude de l'Épître. Mais quand vous lisez l'Épître d'un seul trait et à plusieurs reprises, vous finissez par vous rendre compte que le verset 10-38, c'est un point tournant dans l'Épître. C'est un appel à la foi en Jésus-Christ. J'ai écrit quelque chose qui n'est pas là. On découvre toujours nos fautes quand c'est pas le temps. Hein? OK, avant, c'est un appel à la foi en Jésus-Christ, avant le verset 10-38, puis après, c'est un appel à vivre par la foi. Ça a l'air la même chose pour vous, là. Mais vous allez voir que c'est deux choses complémentaires. Pourquoi je dis qu'on dit que le verset 10-38, c'est un point tournant? Le verset 10-38, rappelez-vous, là. Oui, oui. 10-38, c'est « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Peut-être juste avant d'aller à cette acétate-là. Cette affirmation-là, « Mon juste vivra par la foi », là, ça vient du prophète Habacuc. Prophète Habacuc, Dieu menace de jugement Israël par l'invasion des Chaldéens. Effectivement, ça va avoir lieu et il va y avoir déportation de Juda, du royaume d'Israël, vers 580 avant Jésus, et là, ça va être la déportation pendant un bon bout de temps. Et c'est un jugement de Dieu qui s'est abattu. Maintenant, les justes qui vivaient en Israël, dans cette époque de jugement-là, c'est le verset que Dieu leur donne. Parce qu'en même temps que Dieu a prophétisé le jugement et qu'il l'accomplit, en même temps, il avait prophétisé la délivrance qui viendrait. Et la délivrance finale pour Israël vient dans les derniers temps. Ça va? Ça fait. Et ça, cette affirmation-là, mon juste vivra par la foi, c'est à trois reprises dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Épître aux Romains. Il y en a qui se souviennent de ce passage-là? Michel, le spécialiste de l'Épître aux Romains? Et Daniel? Hein, mon juste vivra par la foi, hein? Mais on n'a pas la mention, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dans l'Épître aux Galates, même affirmation. Mon juste vivra par la foi. Vous savez que les Galates, c'est des gens qui étaient tiraillés avec le retour à la loi. On les troublait avec le retour à pratiquer la loi pour être sauvés. Maintenant, dans l'Épître aux Hébreux, on a le passage, mais avec un commentaire. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et c'est ça l'endroit où on a ce passage-là. Juste un petit hint que je vous donne. Quand vous lirez les Écritures, vous voyez ce passage-là. Là. Il y a de l'importance, parce qu'à quatre reprises, il est repris. Maintenant, avant le point tournant, il y a 33 utilisations du mot « foi » dans toute l'Épître aux Hébreux. Il y en a 6 avant le 10-38, et dans un cas, ça parle de la foi d'Israël. Ça ne parle pas de la foi en Jésus-Christ, nécessairement. Et après le verset 10-38, il y a 25 reprises le mot « foi » est utilisé. Donc, à quelque part, il y a un message aussi là-dedans. Ça a niaiseux, ces comptabilités-là, là, ça a l'air administratif, mais le but, c'est pas de faire ça. C'est quelque part, quand on dit qu'il y a un point tournant dans l'Épître, c'est quelque part, Dieu nous amène à focusser sur quelque chose. Il veut qu'on se souvienne de quelque chose en particulier. Avant 10-38, l'emphase est mise à quatre reprises sur l'objet de la foi. L'objet de la foi, c'est qui? Jésus-Christ. Vous avez les réponses, hein? Pas dur. Posez des questions faciles le matin. Puis, en même temps, il y a quatre appels très solennels dans l'Épître. Donc, avant, les 10 premiers chapitres sont basés autour de ça. Si vous voulez vous souvenir d'un plan simple de l'Épître aux Hébreux, là, vous avez les 10 premiers chapitres, vous avez le turning point, vous avez la fin. OK? C'est un plan simple, hein? Dans les 10 premiers chapitres, quatre appels, on décrit à quatre reprises l'objet de la foi, Jésus-Christ, son ministère, etc. Vous allez voir, on va passer rapidement dessus. Puis, on a des appels solennels à saisir par la foi cet objet-là. Mais après 10-38, le turning se fait sur vivre par la foi et le culte agréable à Dieu. Ça va? Vous allez me suivre? C'est un résumé, parce qu'on n'a pas le choix. Quand on termine un livre, il n'y aura plus de prédication sur Hébreu à partir de dimanche-ci. Là. Vous allez pleurer. Ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas. Ça, c'est une autre affaire. On est censé retenir ce que Dieu nous a enseigné. Vous êtes d'accord? Fait que le premier turning point, je vais passer rapidement, parce que ça, faut, je ne peux pas faire ça avec vous ce matin, mais je fais des résumés ici, vous les avez sur les acétates. D'abord, l'objet de la foi, dans le chapitre 1, il est décrit dans le plan éternel de Dieu. Jésus-Christ nous est présenté dans le plan éternel de Dieu. Tout de suite, le premier appel, restez attachés aux choses que vous avez entendues, révélées, hein, pour échapper aux conséquences de la négligence d'un si grand salut. Ici, là, je veux juste mettre un bémol dans ce que vous allez lire. Des fois, ça peut vous paraître sévère. Ce qui est visé ici, là, c'est quelqu'un les appels à rester attachés, là. C'est ce qui est visé. C'est pas quelqu'un qui vit des difficultés dans sa foi. C'est quelqu'un qui n'a pas la foi. Comprenez-vous? Il y a une différence entre les deux. Quelqu'un qui vit des difficultés dans sa foi peut temporairement même paraître être sans foi. Mais s'il a la foi, il l'a. Une fois pour toutes. On se comprend? Faites attention des fois au texte. Il peut peut-être transmettre des choses que je dis. Moi, dans ma compréhension à moi, tu as la foi. Ça appartient au Seigneur et c'est une fois pour toutes. Mais tu peux être éprouvé durant ta foi. Tu peux avoir des périodes où tu as l'impression que tu agis comme un païen. Mais c'est pas ça qui est visé ici. C'est clair? Fait que faites attention des fois au texte, comment il est écrit. Deuxième description, faut que j'avance en même temps, parce que moi j'ai deux affaires. Vous l'avez dans le chapitre 2 et 3. Jésus est décrit comme le souverain sacrificateur miséricordieux, fidèle pour faire l'expiation des péchés du peuple. Sa maison, c'est nous. Et vous avez une petite mention pourvu que vous reteniez jusqu'à la fin. Deuxième appel à rester attaché à Jésus-Christ. Si vous vous rappelez, c'est l'histoire d'Israël. Israël qui n'est pas rentré dans la terre promise parce qu'il a refusé de croire Dieu. Donc, deuxième appel solennel relié à l'exemple d'Israël de faire attention aux promesses de Dieu en Jésus-Christ. Troisième, on avance toujours dans l'Épître. C'est toutes des choses qu'on a vues de façon plus détaillée. C'est au chapitre 4. Jésus possède la dignité d'un souverain sacrificateur plus grande que celle d'Aaron, car il a été élevé à la perfection par Dieu. C'est une déclaration qui va être expliquée après ça dans la prochaine exposition de l'objet de la foi. Évidemment, on a encore un appel solennel, avertissement de quelqu'un qui est amené sur le bord de la repentance, mais qui refuse de se repentir. Bien, regarde, il ne reste plus de péché, il ne reste plus de sacrifice pour cette personne-là. Mais ça, ce n'est pas à nous de juger ça, c'est à Dieu. Quatrième, ça vient dans, c'est le plus long exposé sur Jésus. Je vais juste m'attarder à vous le lire un petit peu ici. De 6:11 à 10:18, c'est trois chapitres, presque quatre. La dignité du sacerdoce de Jésus-Christ, hein, c'est ça l'objet de la foi selon Melchizedek, basé sur une meilleure alliance, une meilleure loi éternelle, c'est-à-dire éternelle, c'est une dignité qui est éternelle, qui est permanente, qui est intransmissible, meilleur sacrifice unique une fois pour toutes, sacrifice qui amène les croyants à la perfection pour toujours. C'est comme ça que ça nous est présenté dans l'Épître. Et l'appel qui suit, appel au solennel, au saint, de retenir fermement la profession de leur espérance. Menace de jugement plus sévère de Dieu pour tous ceux qui vont profaner le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire ceux qui vont avoir eu la connaissance, mais qui vont vraiment refuser de croire. Donc, ils vont outrager l'esprit de la grâce. Et ça existe, des personnes comme ça. Ça existait du temps de Jésus. Souvenez-vous de Judas. Souvenez-vous de ceux à qui Jésus a menacé du péché contre le Saint-Esprit, parce qu'il disait de Jésus qu'il était possédé d'un démon. Ça va? Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, parce que le point principal ce matin, c'est la conclusion. Vous rappelez le passage qu'on a appris par cœur? Il faudra que j'y arrive. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc, il y a comme une espèce de conclusion. Ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ sont amenés à la perfection pour toujours parce qu'ils sont sanctifiés. Une fois pour toutes. Ça va? Mais ça ne nous décrit pas comment marcher par la foi. Ça nous décrit la solidité des promesses de Dieu. Ça nous décrit la solidité de la personne de Jésus-Christ. C'est pas n'importe qui. Hein? C'est ça, de ça que ça parle jusqu'à là, au chapitre 10. Vous êtes d'accord? Ça nous dit pas dans la vie de tous les jours comment on peut faire plaisir à Dieu. C'est sûr qu'il faut croire à ça pour lui faire plaisir. Vous êtes d'accord? Mais dans notre vie de tous les jours, la lutte de la foi n'est pas expliquée là-dedans. Ou très peu. Ça va? Fait qu'on arrive au point tournant. 10:38. Que j'ai cité tout à l'heure. Hein? À partir du chapitre 10:38, l'emphase va être mise sur la pratique de la foi. Vivre par la foi pour plaire à Dieu. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Et on pourrait dire, mon juste vivra par la foi. S'il persévère, mon âme prend plaisir en lui. Donc, vivre par la foi rend la foi visible à tous. Jacques 2:18, c'est pas dans l'Épître aux Hébreux, mais ça vient tellement mettre l'emphase sur vivre par la foi. Quelqu'un te dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Comment la foi d'un individu est visible? On pense tout le temps aux autres, hein? Léonie, toi, tu vas voir ma foi à partir du moment où ma foi produit des œuvres. Tu es d'accord? C'est comme ça que la plupart des gens abordent ce verset-là. Mais la première personne qui va être témoin des œuvres de la foi, c'est vous-même. Pas les autres. C'est quelque chose qui nous est personnel. Quand votre foi produit des œuvres, que Dieu produit des œuvres de foi dans votre vie, vous devenez les premiers témoins de ça. Les autres, souvent, ils peuvent même ne pas le voir. Mais vous, vous êtes conscients de ce que Dieu a fait. OK? Donc, la définition de vivre par la foi nous est donnée dans le chapitre 11. En passant au chapitre 11, pour ceux qui connaissent un peu l'Épître aux Hébreux, vous savez, ce sont les témoins de la foi. Il y en a à peu près une vingtaine qui sont nommés directement, puis un paquet d'autres qui sont nommés indirectement. Puis, ils sont tous nommés par rapport à une œuvre que Dieu a produite dans leur vie en rapport avec leur foi. Vous êtes d'accord? Donc, on peut dire qu'ils sont des témoins de la foi, en sens que nous, Dieu nous les rapporte pour qu'on voit ce que ça a produit dans leur vie. Mais ils ont été les premiers témoins, eux-mêmes, pour eux-mêmes, de l'œuvre que Dieu a produite dans leur vie. C'est que la définition de la foi, vous en rappelez, la foi est une ferme assurance, on pourrait dire un fondement, des choses qu'on espère, et une démonstration, le mot grec ici, c'est vraiment preuve, de celle qu'on ne voit pas. Donc, quand ma foi est mise en évidence par une œuvre, c'est une preuve de ce que je ne vois pas. C'est une preuve aussi pour les autres, mais c'est une preuve pour moi, d'abord. C'est par la foi, là, ça revient à 19 reprises au chapitre 11. Au verset 3, ce verset-là est utilisé pour illustrer le fondement de la création. C'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé le monde à partir de rien. Ça, c'est tout le monde, universel. Personne n'était là lors de la création, et même ceux qui ont inventé la théorie de l'évolution, ils sont pas là au plus. Okay. Ils sont obligés d'examiner les traces pour arriver à produire leur fausse théorie. Mais nous, quand on croit à la création, c'est par la foi. Vous êtes d'accord? On n'était pas là. Mais à 17 reprises, c'est un acte d'un témoin de la foi, dans le chapitre 11. Il y a un message, là, hein? Un message, là, pour nous autres. Puis, une reprise, là, c'est plusieurs témoins à la fois. C'est par la foi que David, Barak, Jephthé, fait que cet été, on a vu des exemples à travers les enseignements qui ont été donnés sur les témoins de la foi, à travers la vie de plusieurs. OK? On ne reviendra pas là-dessus. En Hébreux 12:1, après avoir listé les témoins de la foi, Dieu, il nous ramène ici, nous donc tous, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, tous ceux du chapitre 11. Hein? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière, le combat qui nous est. Là, c'est pas le combat qui est ouvert, là, mais c'est la carrière. Mais le mot carrière, c'est le mot combat en grec. Ou course dans un stade. Similaire. OK? Mais vous pouvez prendre le terme combat. Courez avec persévérance dans le combat qui vous est ouvert. Ce serait une très bonne traduction. Épreuve. Mais j'aime mieux combat. Vous allez voir pourquoi. Pas que je me batte avec toi. 1 Corinthiens 13, 12, que vous avez ici, nous dit que le combat de la foi, c'est un combat exclusivement terrestre. Ceux qui pensez que vous allez épanouir votre foi au ciel, là, oubliez ça. La foi, ça ne sert pas au ciel, ni dans l'éternité. Ça sert à nous y amener, mais ça ne sert pas là-bas. C'est un combat terrestre. Aujourd'hui, nous voyons d'une manière, au moyen des miroirs. Le miroir, dans ce temps-là, c'était transparent, on voyait un peu au travers. Aujourd'hui, on ne voit plus au travers. D'une manière obscure, donc ça rendait l'image floue. Mais alors, nous verrons face à face. Donc, il parle de l'étape future. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai connu. Donc, c'est une relation directe avec le Seigneur. Donc, plus de foi. La foi est finie, non, finie. Donc, comprenons que c'est un combat terrestre. Il y a plusieurs autres passages qui en parlent, rapidement, de Timothée, que vous connaissez bien. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul, En passant, il fait partie des conducteurs qui nous ont annoncé initialement l'Évangile et que dont l'Épître aux Hébreux nous dit d'imiter leur foi, là. Il nous dit ici, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça va? Donc, combat terrestre. Un autre passage. Là, il nous exhorte dans ce passage-là, dans 1 Corinthiens 9, qu'on a déjà vu quand on étudie l'Épître aux Corinthiens, à courir de manière à le remporter, le combat. Pas mollement, ça serait bon, c'est bon pour la santé de faire de l'exercice. J'attaque pas Daniel, là, qui aime beaucoup faire du vélo. Hein? C'est pas de ce sens-là. Daniel, là, il s'entraîne pour gagner la course. Je sais pas quelle course tu as participé cet automne, mais je sais pas si tu as gagné, mais tu étais proche des vainqueurs. Non? Ben, va travailler encore, Daniel. Mais la parole de Dieu, on fait des blagues, mais la parole de Dieu nous exhorte à vivre par la foi de manière à remporter un combat. OK, maintenant on revient à l'Épître aux Hébreux, pas tellement loin après la déclaration que Dieu fait de « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Au verset 5, il nous est dit d'Enoch qu'il avait reçu un témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et Enoch, vous savez, c'est un des patriarches avant le déluge qui a été enlevé de la terre pour être dans l'éternité. C'est arrivé, il n'y a pas beaucoup d'hommes sur la terre, mais c'est arrivé à Enoch. Il était agréable à Dieu. Et ça, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous ramène ce témoignage-là au sujet d'Enoch. Verset 6, qui suit tout de suite après. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Rappelez-vous le verset qui a précédé, hein? « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. » L'inverse, avec la foi qui produit des œuvres, on est agréable à Dieu. Ça va? Donc, vivre par la foi, ça fait partie du culte agréable que l'Église ou les saints rendent à Dieu par Jésus-Christ. Si vous pensez rendre un culte agréable à Dieu sans les œuvres de la foi, sans vivre par la foi et avoir des œuvres de foi qui vont avec, ça marche pas. Faut pas avoir ça dans notre tête. Maintenant, vous allez dire les œuvres, là, c'est une autre chose, là, comment je les vois, comment ça se produit, tout ça, là, c'est une autre affaire. Mais ici, le point, c'est est-ce qu'on veut vivre par la foi? Ça fait que vivre par la foi, dans l'Épître aux Hébreux, là, évidemment, on arrive dans les aspects pratiques de vivre par la foi. On en a vu quelques-uns, mais on ne les a pas tous vus, de façon détaillée, je parle. Vous en avez un résumé ici, en 12, 2, 3. « En ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a méprisé l'ignominie, tralala, tralala, tralala. » OK? Comment on vit par la foi? C'est pas en regardant mon voisin païen. C'est en regardant à Jésus-Christ. Comment Jésus a vécu? Comme quelqu'un qui ne combat pas? Qui n'a pas été exposé à des problèmes, à des problématiques reliées à la foi? Non, pas du tout. Ça va? Bon, en luttant jusqu'au sang contre le péché, c'est une autre manière. Vous n'avez pas résisté en luttant jusqu'au sang contre le péché. Évidemment, c'est juste suite à l'exemple de Jésus. Gilles nous a parlé beaucoup de l'aspect de la correction de Dieu pour notre bien. Vous vous rappelez, là, un passage où c'est comme des enfants bien-aimés que Dieu nous traite. Si vous êtes exempt de jugement dans vos vies, c'est parce que vous êtes des enfants légitimes, vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Supporter la correction de Dieu, là, c'est tout un combat. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans vos vies, de vivre des situations où Dieu vous dit systématiquement « non, pas maintenant ». Ou pas en tout. Arrête de m'achaler avec cette requête-là. L'apôtre Paul, il a vécu ça, lui. 2 Corinthiens 12, 10, rappelle-toi. Il avait une écharpe dans la chair. Trois fois, il a prié le Seigneur de lui retirer. Trois fois, il s'est fait dire la même chose. « Ma grâce te suffit. » Trois fois. Hey, un saint comme l'apôtre Paul. Ça y a pris trois fois avant de comprendre. En se fortifiant, en suivant des voies droites, vous vous rappelez, ça c'est l'enseignement que j'avais apporté sur le rôle de l'Église, particulièrement le leadership des hommes, en particulier là-dedans. L'Église a un rôle à avoir énorme en suivant des voies droites, parce que si l'Église suit des voies croches, c'est difficile de vivre par la foi. En recherchant la paix, la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, en veillant les uns sur les autres, c'est tous des aspects, mais ici, c'est plus les aspects de l'Église, particulièrement dans ce passage-là. Là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est Dieu, nous intercale un dernier objet de la foi, qui est celui de la rémunération. Hébreux 11:6 dit, je ne me rappelle plus, j'ai un blanc de mémoire. Tu peux-tu m'aider, Michel? Il est impossible de lui être agréable. Et Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'ai retrouvé mon idée, c'est pas j'ai perdu mon idée en même temps. Quand on vieillit, c'est pas drôle. La rémunération. Avec l'appel que Dieu fait ici, c'est la rémunération. Le royaume à venir, la montagne de Sion. Vous vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait pas toucher, vous êtes approché d'une montagne qu'on peut toucher. Hein? Du royaume à venir, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades du cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge et Dieu des justes parvenus à la perfection, de Jésus-Christ, le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion. Fait que là, on a un appel à travers vivre par la foi à fixer les yeux sur la rémunération. Quand l'exemple de Jésus nous est donné comme chef et consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, la rémunération, a souffert l'ignominie, méprisé, l'ignominie, etc. Comprenez-vous? Même appel ici qui est adressé aux saints. Avoir les yeux sur la rémunération. C'est très difficile d'en vivre par la foi. Quand on est au milieu d'une épreuve, d'ailleurs les frères qui viennent nous dire des fois, regarde là ce qui t'attend! T'as envie de les envoyer promener ou de les virer de bout dans leur short, excusez-moi l'expression, mais ils ont raison. Mais t'as de la misère à supporter l'exhortation. OK? Ah ouais, on sait bien, toi, t'es tout le temps béni par Dieu, mais moi, là, c'est à ma place. Je dis des folies, là. Prends pas ça pour du cash. Mais on pense ça, hein, des fois. Fait que si au milieu des exhortations de vivre par la foi, appel à regarder les yeux sur la rémunération. C'est plus l'objet Jésus-Christ, avec tout ce qu'il a fait, qui est ici le point principal, bien qu'il ait été inclus là-dedans, c'est l'aspect de la rémunération. Et évidemment, on a un appel solennel là-dedans à rester attaché à ça, à cette rémunération-là. Et ça fait partie de marcher en vivant pour la foi. Fait qu'on revient à notre verset de départ, Hébreux 12, 28. En retard, dans mes acétates. Ouais, OK. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, on est dans le temps de l'action de grâce, en rendant un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Pour exprimer quoi? Notre reconnaissance. Quel est le sujet de notre reconnaissance? C'est Jésus-Christ, mais c'est le royaume inébranlable qui va avec. Dans le verset, là. Comment? Avec piété, avec crainte. Quand la Bible nous appelle à être pieux, c'est en rapport avec la foi. C'est pas séparé de la foi. Et là, on suit après ça avec une série d'exhortations dans le chapitre 13, très, très pratiques de vivre par la foi. L'amour fraternel, c'est pas la première fois que ça revient dans l'Épître, c'est la deuxième fois au moins. Fait qu'en persévérer dans l'amour fraternel, c'est la chose que vous avez le plus de difficultés à faire quand on vit une épreuve reliée à la foi. C'est là qu'on en a le plus de besoin, mais c'est là qu'on a tendance à fuir le plus. On veut pas que les autres sachent que ça va mal. Faites ça, faites d'autres choses, là, mais entre autres. En pratiquant l'hospitalité, on n'a pas trop insisté sur comment pratiquer l'hospitalité. On n'a pas tout touché à tous les points, là, des aspects pratiques de l'Épître. OK, on en a parlé, mais ce n'est pas des sujets les plus importants sur lesquels on s'est attardé. Pratiquer l'hospitalité, c'est facile. Tout le monde aime ça, inviter un ancien ou un leader ou un évangéliste qui passe parmi nous ou whatever la personne. Mais pensez à ceux qu'on n'invite jamais dans notre assemblée parce qu'ils ne sont pas intéressants. Bien sûr. Mais commençons avec les nôtres, là. Après ça, ça va être plus facile d'aller vers ceux qui sont très désagréables à l'extérieur de l'Église, des fois. Je ne veux pas parler de ça particulièrement ce matin. Je vous dis que ça fait partie de marcher, de vivre par la foi. Presse-toi en se souvenant des prisonniers, des maltraités. Ça aussi, on ne sait pas comment faire ça. Surtout ici, au Québec, là, on n'en voit pas de maltraités. On pense qu'on n'en voit pas. Il y en a déjà eu, mais on les voit moins. En honorant le mariage, en ne souillant pas le lit conjugal, Jean-Claude nous a abondamment expliqué la volonté de Dieu, comment faire ça. On sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire maintenant, hein, soit à partir des deux enseignements qu'ils ont eus. Si vous ne les avez pas pu assister aux deux enseignements, prenez les CD. Vraiment, ça nous place dans la volonté de Dieu, puis comment on va vivre par la foi avec le mariage. En ne se livrant pas à l'amour de l'argent, on n'a pas vraiment touché à ça. Et ça, c'est un problème qui touche particulièrement, je dirais les hommes et les femmes, les deux ensemble, mais d'une manière différente. En se contentant de ce que l'on a, verset 5, hein? Je ne me livre pas à l'amour de l'argent, mais le corollaire pour être capable de faire ça, il faut vraiment que je me contente de ce que j'ai. Et ça, comment on vit ça par la foi tous les jours, c'est une autre affaire. En se souvenant des pionniers qui nous ont annoncé l'Évangile, bon, j'ai parlé tout à l'heure de l'apôtre Paul, qui est un pionnier de l'Évangile, évidemment, un pionnier initial, mais il y en a d'autres plus proches de nous qui ont été impliqués dans notre Église. On pense à Élisée Beau, entre autres. Il y en a d'autres qui ont participé à l'œuvre de foi aussi de cette Église. En considérant leur fin, en imitant leur foi, tu commences à être sérieux, là. Veux-tu dire qu'il faut que j'aille jusque-là? Comment on met ça en pratique dans vivre par la foi? Je ne répondrai pas aux questions ce matin, je vais les poser. Mais ça fait partie de rendre un culte agréable à Dieu. Parce que c'est ça le message que l'Épître veut qu'on tienne. L'Épître. Dieu veut qu'on tienne à travers cette Épître-là. Verset 13-8, en considérant la fin de la foi, 13-9, en ne laissant pas entraîner par des doctrines inutiles. Le sujet de la curiosité, on ne l'a pas vraiment abordé non plus. Mais comment de fois on se fait attraper parce qu'on est curieux sur des choses inutiles? Et aujourd'hui, on est abondamment arrosé de choses inutiles, de doctrines inutiles, qui paraissent, qui ont une saveur évangélique, qui sont présentées souvent avec des mots de l'Évangile. Mais comment on se fait entraîner là-dedans? Encore là, l'application de tout ça, il y a un groupe de femmes, il y a un groupe d'hommes. C'est là que ça se travaille ensemble. Dans les bergeries, vous êtes d'accord? C'est là que ça se travaille. Je n'ai pas le monopole du savoir, de la pratique. Loin de là. En affermissant notre cœur par la grâce, ça aussi c'est quelque chose à pratiquer dans la vie par la foi. En pratiquant la bienfaisance et l'hospitalité, et Gilles nous a parlé beaucoup de 13-17 en obéissant, en ayant de la déférence pour nos leaders. Quand un leader, un ancien de l'Église vient vous dire, regarde, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça que tu devrais faire. Là commence l'épreuve de la foi. À qui je fais confiance? Tu n'es qu'un homme, lui. Pas d'affaire dans ma vie, lui. C'est quoi ça? Gilles nous en a parlé beaucoup, je ne répondrai pas. Les enseignements que Gilles a donnés sont en CD. Regardez-les, ça a parlé à beaucoup ici à travers cet enseignement-là. Ça a eu des implications pratiques dans vos vies. Mais pour certains, si ça n'a peut-être pas marqué autant de points, faites-le. C'est vraiment payant. On achève. Ce sera pas long. Ben, juste 3 douzaines de setups. Vivre par la foi. Donc, on vient à notre verset original. Vous en rappelez? On est parti de là. On dit que c'est la conclusion de l'Épître. Rendre un culte agréable à Dieu. Conclusion d'Épître, vivre par la foi, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est confesser Jésus-Christ, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Vous êtes d'accord avec moi que si vous ne vivez pas par la foi, vous avez de la difficulté à confesser Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Si vous vous accrochez, vous avez des difficultés, vous ne vivez pas par la foi. Ça devient très difficile d'annoncer l'Évangile, parce que l'Évangile, vous annoncez à quelqu'un de croire en Jésus-Christ. Donc, vous devez vivre par la foi pour être capable d'entraîner les autres à vivre par la foi en Jésus-Christ. Car Dieu souverain peut servir de vous, même quand vous n'êtes pas en bon état. Je le sais. Mais en autant que ça dépende de vous, vivez par la foi. Ça va? Vivre par la foi, ça implique d'avoir les yeux sur la rémunération, sur notre ferme assurance. Ça, c'est un sacrifice de louange. Ça fait partie de vivre par la foi. Le combat, courons avec persévérance dans la carrière. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Jésus-Christ, là, faut pas se leurrer, il a été rejeté par la majorité de l'humanité. Et il y a encore des croyants qui sont appelés par Dieu à croire en Dieu, à croire en Jésus-Christ. Mais en ce faisant, on va rencontrer des ennemis de Jésus. Et l'opprobre que Jésus a porté était relié au péché de l'homme. Il a porté le péché de l'homme, donc Dieu a jugé le péché de l'homme sur son dos. Puis pendant ce temps-là, personne n'est venu à son secours. Est-ce que ça ne vous rappelle pas des situations de vivre par la foi? Est-ce que quelqu'un vient à votre secours quand vous êtes dans le trou et vous devez marcher par la foi? Pas toujours. J'espère que l'Église, les croyants, ensemble, on se tient et on vient au secours les uns des autres. Mais ça ne nous sort pas de la difficulté, important. Ça nous aide à la vie. Ça va? Porter son opprobre. Et là, j'arrive vraiment dans la conclusion de l'Épître. Je vous avais dit, quand j'avais enseigné la dernière fois, ou prêché, que l'appel était particulièrement masculin dans l'Épître aux Hébreux. Je le redis encore, c'est toujours aussi vrai. Les hommes ont un rôle de leadership pour montrer à nos épouses, à nos enfants, à tous ceux qui nous entourent, comment vivre par la foi. OK? Mesdames, vous n'êtes pas exclus de ça, loin de là. Vous pouvez être avec un mari ou avec un homme ou, qui ne vit pas par la foi. Bon, ça arrive, ça aussi. Vous pouvez vivre par la foi pendant ce temps-là, pareil. Vous n'êtes pas exclus de ça. Mais les hommes, on a un rôle supplémentaire, celui de montrer aux autres comment vivre par la foi. Fait, quand il nous dit en 13:22, après le passage qu'on a lu, « Frère, je vous prie, frère, de supporter ces paroles d'exhortation », c'est un peu aux hommes qu'il adresse ça. Et il n'est pas le seul épître à le dire. Dans Romains 12, 1 et 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Un point important ici, là, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice. Par lui, offrons sans cesse à Dieu combien de sacrifices? Un. Ce n'est pas une notion nouvelle, là. Il y a un aspect communautaire dans le sacrifice que nous, les hommes, on est appelés à offrir à Dieu. OK? Un sacrifice vivant. Donc, l'appel qui est fait aux hommes, dans l'Épître en particulier, pas juste dans ce seul Épître-là, c'est que les hommes se soudent ensemble pour travailler à offrir un sacrifice de louange. Vous savez, le plus grand défi qui attend les hommes, c'est celui-là. Je vous le dis, je suis un homme. On a de la difficulté, les hommes, à travailler ensemble là-dedans. Alors, on échange bien des idées, bien des doctrines. Alors ça, au niveau des doctrines, on est fort. Mais quand il s'agit véritablement d'être ensemble dans un sacrifice, très grand défi. On a vraiment remettre le temps pour ça. En tout cas, on a de la difficulté. Il y en a qui le font, mais il y en a qui en ont de la difficulté. Donc, mesdames, aidez vos maris à travailler dans ce sens-là. Si vous voulez aider vraiment là, les hommes à grandir dans la foi, c'est la meilleure manière. Les pousser dans le derrière un petit peu à ce qu'ils travaillent dans ce sens-là. Vous avez eu une annonce tout à l'heure, c'est une application particulière pour notre Église. Le groupe des hommes commence cette année. Le thème, c'est « Vivre par la foi ». Les choses qu'on a passées vite, là, on va choisir ensemble les points sur lesquels on veut travailler cette année. Pour justement combattre ensemble et offrir un sacrifice de louange à Dieu. OK? Ça fait, il y a l'inscription, ne manquez pas de prier Dieu là-dessus et demander vraiment à Dieu. Parce que c'est tout. On ne peut pas dire qu'un homme possède la vérité par rapport à un autre. On a besoin d'être ensemble, de travailler ensemble là-dessus. Et si on ne prend pas au sérieux de le faire, bien, c'est pas les autres qui vont le faire à notre place, on n'est pas capable. Maintenant, c'est pas la seule application de l'Épître, là, je vous le dis encore, prenez-moi pas au pied de travers. Tout le monde est appelé à vivre par la foi. Les hommes de manière particulière, pour plaire à Dieu. Les femmes aussi. Vous pouvez vivre par la foi puis plaire à Dieu, même quand vous avez des maris qui sont pas, hein, Yoni? Oui, puis priez là-dessus parce qu'on est vraiment dans un combat, on a besoin de faire ça. Puis c'est pas évident. Souvent, on vient dans ces réunions-là, on dit, oh, on doit de la même affaire, on se fait rabâcher toutes les mêmes affaires, puis on a l'impression de perdre notre temps. Mais je vous dis sérieusement, je crois sérieusement que le Seigneur, cette année, a quelque chose de particulier pour les hommes de notre Église. En espérant que l'Épître aux Hébreux va vous laisser un souvenir indélébile. Vous vous rappelez, je vous ai partagé au début que l'Épître aux Hébreux me troublait. Je savais pas pourquoi. Bien, je le savais, mais je le savais pas. C'était comme voir au travers d'un miroir. Puis, ce qui me troublait vraiment, c'était les implications de l'Épître, c'est-à-dire de vivre par la foi. Et ça, je me sens pas à la hauteur. J'ai beau être ici en avant, là, j'ai vraiment besoin des autres ici pour être capable de vivre par la foi. J'ai besoin du Seigneur, c'est sûr. J'ai besoin de l'Église, de travailler ensemble, puis de voir des exemples de foi dans la vie des autres. J'ai besoin de ça. Et ça me trouble parce que ah, je n'ai pas laissé ça, hein. Ça, j'ai vraiment gardé. Ça, tu veux vraiment ça, Seigneur? Je ne suis pas prêt. Je m'en trouve. Je vous laisse avec ça?